Alors qu'elle vient de relire cette lettre, Ruy Blas don César lui apporte un billet que le roi Charles II lui a dicté. « Madame, il fait grand vent, et j'ai tué 6 loups, signé Carlos. »